Elle ne se connaissait pas d'ailleurs. Elle vient de Sainte-Maxime, dans le Var. Elle est issue d'une famille chrétienne, catholique, et puis elle se convertit très tôt. Elle embrasse l'idéologie de l'État islamique. En mars 2015, elle fait une première tentative pour partir là-bas. Ses parents signalent son absence. Elle est géolocalisée en Turquie par son iPad. On la récupère, on la rend à ses parents en France. Il n'y aura pas de poursuite de la police. On lui confisque ses papiers. Mais elle reste pourtant très radicalisée. Puis elle va, selon nos informations, tenter toujours de trouver un mari là-bas. Elle va rencontrer deux hommes sur Internet, célèbres, en France. Larossi Abala, c'est Magnanville, les policiers tués. C'est l'auteur du double meurtre de Magnanville. Et Adel Kermiche ensuite. Lui, c'est l'auteur du meurtre du père Jacques Hamel à Saint-Étienne du Rouvray. C'est un peu la conclusion. Le monde est tout petit. Ce petit monde des djihadistes est tout petit. Il y a un autre élément, c'est ces actes téléguidés depuis la Syrie. C'est ce que disait François Molins, Dominique. C'est quelque chose qui pose question, ça, aujourd'hui. Oui, quelque chose qui pose question parce que ces gens-là, sans se connaître, communiquent par Internet, par des réseaux sociaux, et donc se donnent des consignes comme ça ou se cooptent comme ça. Il n'y a plus vraiment de recrutement au vrai sens du terme. Il y a une cooptation, on discute sur Internet, on décide de passer à l'acte, on se retrouve, on se donne rendez-vous quelque part, on ne se connaissait pas deux jours auparavant. Et on monte une petite équipe. C'est plus le profil des djihadistes qui font le voyage jusque là-bas, qui reviennent et qui passent à l'acte en France. On n'est plus là-dessus. Pas du tout. C'est ce qu'on craignait. Vous savez, ce sont des agents dormants, finalement. Des gens qui sont installés chez eux, qui vont se radicaliser sur le net, qui vont se rencontrer sur le net et qui vont constituer des équipes. Et c'est très difficile à déceler. Justement, les policiers sont bien en peine face à ça, face à ces messageries cryptées qu'ils ne peuvent pas repérer. Là, il y a une vraie difficulté avec ça. Exactement, il y a une vraie difficulté avec ça. Les policiers essaient de trouver des systèmes. Techniquement, ça ne va pas assez vite. Les crypteurs vont beaucoup plus vite que ceux qui apprennent à décrypter les systèmes. Et quand on sait les décrypter, il y en a déjà un nouveau qui arrive avec une technologie différente et des logiciels différents. C'est un vrai casse-tête pour les flics. Merci beaucoup Dominique Crizet, spécialiste police justice pour RMC et pour BFM TV en direct dans le journal de 8h. La politique et la primaire de droite, a priori 11 candidats ont réussi à réunir toutes les conditions pour participer avec les poids lourds des Républicains bien sûr et ceux qui comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Hervé Mariton sont parvenus à réunir les parrainages au dernier moment. Et puis il y a les exclus qui n'en seront pas, Nadine Morano par exemple ou encore Henri Guénot, le député des Yvelines qui ne renonce pourtant pas. Je ne peux pas accepter l'idée sans rien faire d'un hold-up sur l'élection présidentielle par une partie d'un camp. Parce que l'élection présidentielle, c'est pas une affaire de camp, et parce que vous pouvez pas construire toute une stratégie présidentielle sur la conviction que le futur président sera élu par défaut face à Madame Le Pen au second tour, et que par conséquent, il suffit de quelques centaines de milliers ou même d'un million ou deux de voix pour choisir le futur président de la République. Voilà les précisions de Henri Guénot, député Les Républicains des Yvelines. La rentrée, c'est aussi la période des foires au vin, prix bradés parfois de bons coups réalisés sur de grands crus. Mais cette année, c'est un vin bien particulier qui est à l'honneur, un vin au taux d'alcool très faible, Jean-Wilfried Forquès. Rouge, blanc ou rosé, ce sont des vins à 9 degrés et Yannick, consommateur suisse, les apprécie. Il est fruité, il a quasiment toutes les qualités à aromatique d'un vin normal, mais il a le gros avantage de pas vous en mettre plein la tête quand à l'apéro, quand il fait chaud, quand on doit conduire ou autre. La gamme de ces vins fabriqués sur le domaine de la Colombette à Béziers a été baptisée Plume parce qu'ils sont légers en alcool. C'est une tradition familiale, explique le propriétaire Vincent Pugibet. L'idée, c'est de faire des vins un petit peu légers en alcool. Typiquement, on est sur la limite basse d'un vin, on est à 9 degrés. L'alcool qu'on a enlevé n'enlève en rien ni la complexité du vin, ni sa richesse, ni sa longueur, ni quoi que ce soit. Mais selon Philippe, caviste toulousain, ce vin n'a pas de personnalité. Il y a un manque cruel d'identité. Je trouve que c'est dommage. La semaine dernière, les domaines Pierre Chavin, également implantés en Languedoc, ont lancé une gamme de vins avec 0% d'alcool. Le reportage de Jean-Wilfried Forquès, il est 8h08 sur RMC. 13 matchs contre Novak Djokovic, 13 défaites. Le constat est cruel pour Gaël Monfils, tombé une nouvelle fois hier face au Serbe en demi-finale de l'US Open de tennis. En 4-7, Gaël Monfils un peu dépité. On est toujours déçus, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que je suis déçu depuis 12 ans, 4 fois par année, de toute façon. C'est à part entière, je pense que ça fait partie du sport. On est déçu, on a forcément plusieurs objectifs. Je serais toujours déçu, même en coupe, de ne pas avoir pu essayer de battre Novak pour aller en finale d'un grand chelem. Et ça n'empêchera pas d'être à 250% pour la coupe. Le football, un partout seulement à domicile face à Saint-Etienne. Le PSG ne fait plus si peur que ça. Ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 hier. La suite aujourd'hui avec notamment à 17h Lyon-Bordeaux. Marseille, l'OM jouera demain à Nice avec son futur nouveau président. Le propriétaire américain n'a pas mis longtemps à le nommer. Il s'appelle Jacques-Henri Hérault, Florent Germain. Oui, les mauvaises langues remarqueront que Jacques-Henri Hérault a sur le papier quelques points communs avec Vincent Labrune. Jeune, homme de médias, passionné de courses de chevaux, au moins trois similitudes, mais la comparaison s'arrêtera là. Hérault est en tout cas un passionné de sport. Lui, l'ancien membre de l'équipe de France de taekwondo et pour qui un Marseille Cassis ressemblera plus à un parcours de santé puisque même un marathon ne fait jamais peur au futur président de l'OM. Hérault, qui ne sera intronisé qu'au moment où la vente sera définitivement actée, doit désormais se familiariser avec le monde du football, avec le contexte marseillais aussi, pression médiatique, supporters oppressants, obligation immédiate de résultat. Le défi marseillais est immense et le job peut rendre fou. C'est ce qu'affirme à l'unanimité tous les prédécesseurs de Jacques-Henri Hérault. Et puis le rugby, quatrième journée de top 14. Là, c'est un choc. Clermont Racing 92, remake de la demi-finale de l'an dernier. Souvenez-vous, gagné par les Franciliens après prolongation. Julien Tellier, le traumatisme semble passer chez les Auvergnats. Moins de trois mois après cette immense désillusion, les Clermontois veulent enfin tourner la page. Alors plutôt qu'un sentiment revanchard, c'est l'envie de battre le champion de France qui anime Aurélien Rougerie. On ne construit pas grand-chose sur la rancune, sur la revanche, donc j'aime pas bien moi ressasser le passé. Voilà, c'est pas vraiment mon truc, donc je préfère moi tourner la page et puis me trouver des failles ou des solutions à une équipe bien en place. Ces retrouvailles avec le Racing se joueront sur la nouvelle pelouse hybride qui a été plantée cet été au stade Marcel Michelin. Après trois déplacements, les Clermontois de Damien Chouli ont hâte de retrouver enfin leur public. Parce qu'il y a beaucoup d'excitation et des nouveaux et de notre part aussi parce que ça fait un moment qu'on voit les travaux avancer et puis ces trois matchs à l'extérieur. Maintenant on a envie aussi de lancer vraiment notre saison à la maison. Le décor est planté, coup d'envoi 20h45. À suivre évidemment sur RMC 8h10. On termine avec les courses, François Sorel. Tiers écarté, quintet plus cet après-midi à Vincennes et Sébastien Darras nous conseille le 15 Arlington Dream et l'As Archangel Am. Brahim Asloum lui aime bien le 17 Ariane de Caponnet. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 3 Cash Gamble et le 10 Apollon de Cassis. Le 15, l'As, le 17, le 3 et le 10. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. On est là dans un instant sur RMC. Après le jardin, place à la maison. Le week-end des experts se poursuit. Vos questions bricolage maison déco 32-16 et tout à l'heure entre 9 et 10, on va vous donner des conseils. Peut-être êtes-vous en phase d'achat d'un appartement ou alors en construction de maison. Vous restez là. Plein de conseils tout à l'heure et on est là dans une minute. Micheline, votre réponse pour le jackpot. La mer Noire. Et c'est gagné. Galère discount, je dois filer. Aujourd'hui, le filet de canard aromatisé aux herbes ou tomates et poivrons est à 8,89€ le kilo chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 350 grammes environ, transformés en France à partir de viande de volaille française. Pour votre santé, bougez plus. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990€, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990€. Avantage client déduit, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Basilic finement ciselé cherche spaghetti fermé et lancé pour nouer une relation al dente. Justement, chez Grand Frais, les pâtes italiennes Agnesi format 1 kg sont à seulement 99 centimes au lieu de 1,69€, soit 40% de réduction. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 10 septembre, 3 variétés au choix. Pour votre santé, bougez plus. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Entrez. Ah pardon, c'était un coup de marteau. Excusez-moi. Ah oui, non, parce que ça tourne. Hein. Il est venu avec tout son attirail. Ouais, bien sûr. Forcément, c'est Christian PC. Mais bonjour Christian. Là. Bonjour François, comment allez-vous? Oh, mais ça va. Le pape du bricolage est là sur RMC chaque samedi 8h-10h. Et vous pouvez l'appeler dès maintenant au 3216 ou bien maison@rmc.fr. Encore une fois, c'est un rendez-vous unique RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer un rendez-vous de 2 heures dédiées exclusivement à la maison. Et oui. Et tout à l'heure, on ne réparera pas la maison. Mais on va essayer soit de la construire, soit de l'acheter. Elle va être toute neuve. On sait qu'à Paris, en ce moment, ce week-end, c'est le salon faire construire sa maison. Donc, je me suis dit que c'était le moment. D'ailleurs, on aura le commissaire général du salon tout à l'heure en fin d'émission qui en parlera. Donc, effectivement, acheter un appartement neuf, faire construire sa maison individuelle. J'ai vu que c'est dans un sondage de l'année dernière que c'est le... Donc, il est récent. C'est le rêve de pratiquement les 2/3 des Français. D'accord. Qui ont envie... Ah ben oui, attendez. Voilà. Alors, quel est le rôle de l'architecte dans tout ça? Qu'est-ce qu'un promoteur, constructeur de maisons individuelles? Est-ce qu'on peut acheter sur plan? Vous savez, les fameuses VFA. Oui. Est-ce qu'on peut acheter un bien neuf déjà construit? Quelles sont les normes de qualité? C'est quand même très important. Et puis surtout, évidemment, on en parlera aussi, comment financer une acquisition, puisque apparemment, les taux n'ont jamais été aussi bas. Il paraît qu'ils sont, mais c'est vraiment enfin, historique. On parle de 1,5%. C'est historique, historique. Franchement. Renégociez vos Je pense qu'on aura une ou deux questions là-dessus. Alors, ça ne sera pas véritablement le sujet, mais... Je pense qu'on va faire une émission sur le sujet. On est d'accord. Le financement de vos projets, le financement de votre acquisition, je crois que ça mérite bien une heure de thématique. Un focus, comme on dit. Un focus. Pas un focus, hein, parce que ça, chez nous, jamais. Le 3216 maison@rmc.fr. Soyez les bienvenus et on accueille tout de suite Patricia qui est là au 3216. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Et merci de prendre ma question. Mais c'est normal. Voilà, nous voudrions refaire notre carrelage parce qu'il date du début qu'on a fait la maison, il y a 30 ans environ. Oui. Il est tout fissuré, donc on avait sans enlever le carrelage, soit reposer du carrelage dessus, soit mettre du parquet. Oui. Mais le parquet, on nous a dit que dans les cuisines, il valait mieux pas mettre parce qu'on pouvait pas laver correctement, que c'était délicat, en plus c'est de plein pied, donc pour les rayures, oui, et tout ça. Oui. Oh. Donc, voilà, c'est ce qu'on nous a dit, donc on ne sait plus trop, parce que bon, c'est vrai que notre carrelage aussi, il avait été posé sur la chape et puis il n'y avait pas de joint de dilatation. Pourquoi? Et on nous a dit que maintenant, il y avait des cols qui étaient élastiques, que c'était beaucoup plus pour le carrelage, je pense. Non mais attendez, pourquoi? Vous avez un très très grand carrelage? Elle est immense, votre cuisine? Non, mais ça serait pour tout le bas de la maison. Ah, tout le bas de la maison. Donc, le problème du bois. Évidemment, c'est un peu une idée reçue selon laquelle on peut pas mettre de bois dans des pièces humides. Je vous rappellerai quand même que le pont des voiliers, des bateaux, il est souvent en bois. Hein, donc, problème du bois et de l'eau n'est pas véritablement... c'est pas comme le feu et l'eau, là, hein, c'est un peu différent tout de même. Donc, ça veut dire que si vraiment vous avez envie de mettre du parquet, il est possible de mettre du parquet. Simplement, vous ne pouvez pas mettre de parquet de recouvrement, il faut mettre un parquet collé. Il faut mettre un parquet collé et puis, à ce moment-là, il faut jouer effectivement la carte de bois qui supporte quand même la présence d'eau. Mais bon, dans une cuisine, vous n'inondez pas le sol toutes les 5 minutes, hein, je veux dire, c'est un petit peu... On m'a dit qu'on ne pouvait pas passer, qu'il fallait laver avec des lingettes, qu'on ne pouvait pas mettre de désinfectant dans une cuisine, qu'il fallait quand même... De désinfectant, mais attendez, arrêtons aussi la phobie des bactéries, je veux dire, faut pas exagérer. En plus, comme je vous le disais à l'instant, les ponts de bateau, ils sont bien en bois et on les lave régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a des bois qui peuvent être adaptés, il y a des poses qui peuvent être adaptées. Ça veut dire que par exemple, si vous faisiez dans votre cuisine ou dans votre salle de bain un parquet collé de façon pont de bateau avec des joints d'étanchéité entre les lames et en périphérie, vous pourriez laver votre parquet sans grande difficulté. Ceci étant, c'est vrai que ça n'est pas forcément l'idéal. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas absolument de contre-indication à mettre du bois dans une cuisine. Donc simplement, comme je vous l'ai dit, coller à ce moment-là et avec éventuellement un bois de type exotique. Évidemment, le Nec Plus Ultra, c'est toujours le tech. Ça peut être très joli. Il y a des quantités de cuisines qui sont ainsi. Il y a même des cuisines de grands restaurants qui sont aussi avec des parquets. Donc c'est pas complètement impossible. Et le carrelage, qu'est-ce que vous... Ah, bah le carrelage, bah évidemment. Non, mais attendez, bien sûr. Sur du pavé existant, déjà. Hein, parce que... ça, c'est pas un problème à ce moment-là. Ah. Ce que vous pouvez faire, c'est... d'abord, il faut... Parce que ce qui m'inquiète un peu, vous m'avez parlé de fissure. Alors, il faudrait savoir pourquoi c'est fissuré. Est-ce que c'est une fissuration parce que le carrelage n'a pas été posé très correctement? Est-ce que ce sont des fissures... Vous savez, la semaine dernière, on a passé une heure sur le sujet. Oui. Est-ce que ce sont des fissures structurelles, etc. Si évidemment, alors vous pouvez poser à ce moment-là un carrelage, mais en sachant que il sera préférable de poser un carrelage slim, c'est-à-dire de très faible épaisseur, avec une colle flex. Qu'est-ce que je dis des mots ce matin, hein. Colle flex, c'est-à-dire colle légèrement élastique. C'est ce qu'on vous l'a évoqué. Et donc, ça marche très bien. Oui, vous pouvez bien sûr reposer. Simplement, sachez que vous devrez détalonner vos portes, c'est-à-dire en couper la partie basse, parce qu'évidemment, vous allez avoir une surépaisseur. Mais carrelage sur carrelage, c'est pas un vrai problème. Moi, je peux vous dire que dans ma maison du midi, c'est ce qui a été fait et ça marche très bien. Ça n'a pas bougé. Merci Patricia. Christian, on revient dans un instant. Il est 8h19. On accueillera Roger qui souhaite refaire la chambre de sa fille. Il a des questions à vous poser. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, que c'est le moment ou jamais de questionner Christian PC. Toutes vos questions bricolage maison déco sont les bienvenues. Le 32 16, profitez-en, appelez-nous. À tout de suite. RMC, 8h-10h, votre maison. Val, tu sais que pendant le mois Carrefour, il y a des deals du jour incroyables. Mais oui, et même sur le champagne. Aujourd'hui, on a 70% d'économie sur la carte Carrefour sur le champagne Monopole à Itzik. Tu l'as bien sur toi, la carte? Toujours. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre incroyable. Aujourd'hui, profitez de 70% d'économie sur la carte Carrefour sur le champagne Monopole à Itzik. Valable sur la cuvée Gold Top millésimé 2009, 75 centilitres, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez de crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Cuisine Socook. Ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez Socook. Du 7 au 30 septembre, Socook vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Concoctons ensemble votre cuisine. Socook, 120 magasins de cuisine équipés 100% fabriqués en France, à retrouver sur socook.com. Petit message Peugeot, en forme d'hésitation. Voiture électrique ou vélo électrique? L'Electric Box, c'est un pack qui contient la Peugeot Yon à partir de 99 € par mois, plus un vélo électrique Peugeot offert. Offre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Kevin Costner, c'était un dangereux criminel. Il ne contrôle pas ses pulsions, il ne ressent rien. Ils ont voulu en faire un espion. Ils se sont servis de moi en pensant pouvoir me contrôler. Mais ils ont eu tort. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Criminol, un espion dans la tête. Actuellement en Blu-ray et DVD avec RMC. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le poêle à granulés noir de 7,4 kW, programmable, avec gestion automatique de la température, est à seulement 849 euros. Offre limitée à 135 poêles à partir du 9 septembre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe. Gagnez du temps grâce à la livraison directement sur votre chantier. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Nous sommes de retour le week-end des experts à la maison. Merci d'être là. Dans quelques instants, la météo et les infos. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous en ce samedi matin. Christian, tout va bien? Tout va très bien. D'accord. Tout va très bien. Dès qu'il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir le micro. Il y avait un bouton d'éteint. Et quand le bouton est éteint, ça marche pas. Et non. Surtout, ne donnez pas des coups de marteau sur les boutons. Et parce surtout qu'après, pas sur les doigts. Hein. Vous avez le directeur technique qui va venir, il va pas être content. Surtout pas sur les doigts. On accueille Roger maintenant qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Roger. Oui, bonjour messieurs, bonjour. Attention, parce que Christian utilise le marteau un peu facilement, donc on ne sait jamais. Ouais, attention, il va falloir faire attention. Faites attention à vos doigts, notamment. Ouais, je vais faire attention alors. Qu'est-ce qui vous arrive, Roger? Ouais, donc voilà, je voudrais refaire la chambre de ma fille qui a 14 ans, voilà, et qui est recouvert d'un enduit à la chaux en deux parties, en fait. Sur le tiers inférieur, un enduit sous forme de stucco, donc qui est ciré. D'accord. Et les deux tiers supérieurs, qui un enduit à la chaux aussi, mais qui n'est pas ciré, qui est passé sous forme de avec une grosse brosse, gros pinceau. Voilà. Voilà. Et donc, comme les couleurs sont rose clair et rose foncé, donc ma fille qui a 14 ans a dit bon, le rose maintenant ça suffit. Voilà. Eh oui, ça se passe. Et voilà. Et donc, je voudrais savoir comment repeindre par dessus. Est-ce que sur la partie supérieure, je peux passer un enduit style de lissage tout près, sachant que le relief est vraiment très très léger. Oui. Et le revêtement, par contre, est très simple, mais pas poudreux. Voilà. Et la partie basse, à déchirer, là, c'est compliqué, par contre. Alors, la partie basse, effectivement, faudrait que vous regardiez l'enduit qui a été posé, s'il est... Ah ben, dites-moi. Oui, allez-y. Non, j'ai entendu un bruit bizarre, c'est pour ça, Roger. Non, tout va bien à la maison. Tout va bien. D'accord. Non, mais je suis au travail. C'est ah, ça. En plus. Ah, en plus. Ah ben, qu'est-ce que vous faites comme travail, Roger? Et je suis infirmier libéral, donc je suis deux patients, là. Ah, vous êtes entre deux patients? Ah ben, c'est d'accord, très gentil. D'accord, alors, c'est très gentil. On y va. Oui, voilà. Donc certains enduits sont stripables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se décoller, alors, soit directement en tirant dessus, si j'ose dire, soit pour certains en utilisant une décolleuse papier peint. Alors, c'est pas évident, évidemment, à tester, mais si vous pouvez, dans un petit coin derrière une porte, voir si c'est le cas, ça serait une bonne chose, parce que vous pourriez directement l'arracher. Alors sinon, eh bien, il faut pouvoir le repeindre, cet enduit. Alors, vous avez parlé pour la partie structurée d'un enduit tout près. Il y a des magiques, il y a des enduits de la gamme magique qui conviennent tout à fait, qui permettent, c'est des enduits garnissants, et donc en principe il y a un très bonne capacité d'accrochage. Pour la partie qui est donc cirée, là il y a une solution, elle n'est pas toujours idéale, mais il y a une solution, c'est d'abord de la lessiver, de déboussiérer pour commencer, ensuite de lessiver avec de la lessive Saint-Marc, hein, parce que c'est tout à fait le produit qui convient, et une fois que ça a séché, c'est d'appliquer dessus un primaire d'accrochage, notamment si c'est très lisse, et donc vous pouvez ensuite appliquer la peinture que vous voulez. Vous pouvez aussi essayer sur ce type d'enduit d'appliquer directement une peinture vinylique de type, par exemple, peinture plafond, qui accroche généralement bien. Prendre un produit qu'on qualifie de monocouche, et donc c'est une bonne solution. Après, bon, vous avez parlé de l'enduit de garnissage, et puis il y a d'autres solutions, sauf pour les endroits où il y a vraiment beaucoup de relief, mais sinon c'est l'enduit de garnissage ou la toile de verre ou le voile de verre. Et puis pour finir, les solutions radicales, c'est un doublage avec de la plaque de plâtre ou de la pose de lambris, et là vous serez tranquille, vous n'aurez pas à faire de préparation des fonds. Merci Roger, et bonne journée et bon courage, hein, puisque vous êtes au travail. Merci en tout cas de nous appeler. Le 3216, maison@rmc.fr. Christian, on revient après la météo et les infos. À tout de suite. RMC 8h-10h, votre maison. Bonne nouvelle, à partir de lundi sur RMC, tentez de gagner votre tablette tactile dans tous les shows. Bourdin Direct, Les Grandes Gueules, Radio Brunet, 100% Bachelot, le Super Moscato Show et Team Dugas. Une tablette tactile par show, 6 tablettes par jour, c'est pour vous. Écoutez RMC de 6h à 20h et devinez le code pour déverrouiller la tablette. Premier jeu lundi dès 6h dans Bourdin Direct sur RMC. Petit message Peugeot. En forme d'appel. Éclairage, présent. Ok. Dégivrage, présent. Très bien. Frein, présent. Batterie, présente. Balai essuie-glace, présent. Feu stop. Il n'est pas là, feu stop. Si, présent. Bon. Eh bien, c'est parti. Voilà un bilan de rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue. En ce moment, chez Peugeot, le bilan de rentrée sur 32 points de contrôle est offert. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah, pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence.

Alors, comment s'y prend-on? Bah, d'abord, qu'est-ce qu'on choisit? Parce que il y a deux types de corniches et d'accessoires décoratifs. Les plus classiques, eh bien, sont en stuc. Vous savez, le stuc, c'est du plâtre qui est renforcé avec de la colle. C'est comme ça qu'on faisait, donc, qu'on réalisait ces décors autrefois. Alors, l'avantage de ces accessoires, c'est que en stuc, c'est que c'est solide, c'est facile à peindre. Il y a beaucoup de motifs et de modèles sur le marché. Mais l'inconvénient, c'est que c'est les plus lourdes, évidemment. Alors, il faut vraiment faire un collage avec une colle du style MAP, un peu, vous savez, l'enduit qu'on utilise pour le collage des plaques de plâtre et des carreaux de plâtre. Il va falloir maintenir pendant la prise et puis on grattera le refoulement de colle au grattage et pas seulement au tirage. Une fois que c'est sec, alors les plus faciles à poser, donc ce sont des corniches, cette fois en polystyrène expansé ou polystyrène extrudé, voire en polyuréthane. Alors là, c'est très léger, mais il faut quand même une colle adaptée, attention, parce que les colles doivent être sans solvant, donc ce sont des colles qu'on utilise par exemple pour poser les dalles de polystyrène au plafond. Mm-hmm. C'est plus difficile à peindre, il faut pas de peinture avec solvant, mais maintenant elles ont presque toutes disparu. Alors les coupes, eh bien avec une scie à carreaux de plâtre ou à denture large pour le stuc, une scie à dos à denture fine ou bien tout simplement un cutter pour les corniches et accessoires en polystyrène ou en polyuréthane. Et voilà, ça va être beau, comme vous dites. Oh là là, ça va être superbe. Franchement, moi, j'ai presque envie d'aller vivre dans la maison de notre auditeur. 32-16 pour toutes vos questions. Maison, on vous attend sur RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC jusqu'à 10h. Votre maison. François Sorel, Christian Pesset. C'est un peu flippé quand même, E.T., hein. Là, ça donne envie de se recoucher. Enfin, cela dit, si tout comme E.T., vous voulez téléphoner pour poser votre question maison, le 3216, c'est comme ça que ça marche. 3216 ou maison@rmc.fr et vous nous laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Christian, tout va bien ? Eh bien, tout va bien. Et rappelons que tout à l'heure, entre 9 et 10, exclusivement sur RMC, on va vous donner des conseils pour acheter un appartement neuf, faire construire sa maison individuelle. Voilà, ça sera notre thème de deuxième heure. Deux tiers des Français rêvent de faire construire ou d'acheter un appartement neuf. Eh bien, on va pouvoir leur donner des conseils à l'occasion du salon, faire construire sa maison. Alors, on va parler aussi financement, on va parler du rôle du promoteur, du rôle du constructeur de maison individuelle, de l'architecte évidemment, oui, parce que c'est aussi un personnage important. Voilà. Alors que les taux n'ont jamais été aussi bas. Hein, c'est les taux sont étroits, quoi. C'est serré. Oh, les taux sont étroits. C'est beau. C'est joli, hein. Superbe. Surtout qu'ils sont en dessous de 3. Voilà. N'est-ce pas ? Bien en dessous de 3. Bien en dessous de 3. Ça sera tout à l'heure entre 9 et 10. Et vos questions sur ce sujet, parce que vous projetez peut-être d'acheter un appartement ou de faire construire. Eh bien voilà, tous les conseils en direct à partir de 9h au 32-16. Karine dans un instant, mais auparavant, je voulais quand même vous rappeler qu'on vous offre un super beau cadeau ce matin. Et oui. On vous offre une perceuse sans fil Black & Decker, les amis. Oui. Vous rêviez de ce cadeau. Eh bien voilà, on va essayer de vous faire plaisir. C'est une perceuse sans fil AutoSense, c'est-à-dire qu'elle adapte automatiquement le couple en fonction de la programmation que vous aurez faite, avec un mandrin auto-serrant, et elle bénéficie donc de cette technologie tout à fait intéressante, l'AutoSense. Elle est livrée dans une mallette avec deux batteries lithium, 18 volts, 1,5 ampérage et 160 accessoires. Eh bien, dites-moi. 160 accessoires. Non, là, on devient le pro de la perceuse. Il y a des mèches à bois, des mèches à béton, des mèches métal. Il y a 40 embouts de vissage et il y a même quelques vis et quelques chevilles. C'est un très beau cadeau offert donc avant tout par RMC, hein, et puis par le magazine System D. Ça vaut le coup de tenter votre chance. Comment remporter ce cadeau par SMS, les amis? Maison, vous nous envoyez le mot maison par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Maison par SMS au 732-16, 50 centimes d'euros le SMS. Christian, oui. Karine est là. Bonjour Karine. Bonjour, Vous savez que vous êtes les deux cadeaux surprises supplémentaires de tous les samedis matin. Ah, c'est gentil. De nos boîtes à outils. N'est-ce pas? Enfin, les cadeaux surprises, on est quand même, il faut nous mettre dans des grosses boîtes. Hein. Oui. Et ben, bon, des fois, j'ai une pochette pour les surprises. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc, ben, les artisans d'or, alors, si vous préférez. C'est vrai. Alors là, Karine, vous nous gâtez. Mais c'est vrai que c'est une émission extrêmement intéressante, d'ailleurs. C'est gentil. Mais souvent, même, ça donne des petites choses supplémentaires dont on n'avait pas l'idée. Eh bien, voilà, c'est fait pour ça. Vous nous appelez d'où, Karine? Alors, je vous appelle à côté d'Arcachon, hein, donc à côté D'accord. de... Ça s'appelle plus précisément le Pilat, certaines personnes connaissent. Il y a pas mal de dunes, là. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous arrive, Karine? Alors, ma question, voilà, je suis en train de rénover une petite villa, et il s'avère que j'avais une question au niveau du chauffage. Oui. J'aimerais savoir, je sais qu'il peut exister un système permettant de ne pas avoir ces fameux affreux panneaux solaires collés au mur. Panneaux solaires collés au mur. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Voilà, je suis en train de la rénover, donc il y a possibilité de refaire enlever la chape, etc. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un chauffage au sol? Ou j'ai entendu dire qu'il maintenant il existait des chauffages au mur qui permettaient justement d'éviter d'avoir des panneaux. Qui des fois prenaient de la place. Ouais. Alors, deux technologies très très différentes, l'une électrique, l'autre hydraulique. Donc dans beaucoup de cas, lorsqu'on fait une grosse rénovation ou lorsqu'on construit dans le neuf, on fait donc un plancher chauffant hydraulique. C'est-à-dire que si vous véritablement si vous cassez tout, si vous descendez si vous descendez votre sol, si vous avez possibilité de creuser, vous avez à ce moment-là la possibilité aussi donc de refaire une dalle et ensuite de faire une chape dans laquelle vous noyez des canalisations hydrauliques. Alors ça, ça doit être associé à une chaudière ou à une pompe à chaleur, voire les deux dans certains cas. Ensuite, il y a la possibilité de mettre au sol une trame électrique. Alors si elle est noyée dans la chape, c'est un véritable chauffage. Si elle est en surface de chape, c'est plus un instrument de confort sur lequel ensuite vous mettez généralement un carrelage. Alors ça fonctionne très bien, ça fonctionne en basse température, c'est-à-dire que le sol n'est jamais plus à plus de 28 degrés, donc à la limite on sent même pas la chaleur quand on y pose la main. Ça fonctionne par rayonnement. L'avantage du système hydraulique avec des canalisations, c'est que ça peut être réversible, c'est-à-dire que vous pouvez en faire à la fois un système de rafraîchissement l'été et un système de chauffage pour l'hiver. Alors vous me parliez des murs. Alors oui, cette technologie, ces deux technologies peuvent être appliquées aux murs. C'est peu répandu. Vous pouvez avoir soit une trame électrique où on met un isolant contre le mur, on met la trame électrique, ensuite on recouvre avec une plaque de plâtre entre des ossatures métalliques. Donc vous avez ces trames électriques. Et puis on peut même, ça existe, mais c'est très très peu répandu en tout cas chez nous, des murs chauffants hydrauliques. Avec donc cette fois la même façon que pour le sol, on va avoir donc des serpentins qui vont être posés au mur. Même ça, et il en existe qui sont directement noyés dans des panneaux qui font que ça fait également le revêtement. Et avec le gaz, ça marche pas avec le gaz, si, c'est-à-dire que ça marche pas avec le gaz, hein, c'est pas le gaz directement, mais ça peut marcher avec une chaudière au gaz. Il y a pas de souci, mais à ce moment-là, il faut une chaudière adaptée. Il faut voir si votre chaudière, si vous en avez une, peut s'adapter à cette basse température, puisque évidemment, on est même là en très basse température. Vous pensez que c'est vraiment mieux que des panneaux habituels comme les petits... Vous parlez des radiateurs, là, quand oui, vous parlez oui, des panneaux. Oui, ah ben, oui. Ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est l'avantage des chauffages au sol ou des chauffages muraux tels que ceux que j'ai décrits, mais encore une fois, c'est très très peu pratiqué chez nous, mais en sol chauffant, le gros avantage, c'est qu'évidemment, vous n'occupez aucun volume et que c'est une chaleur qui est beaucoup plus répartie, puisqu'elle est répartie sur l'ensemble de votre sol, elle fonctionne par rayonnement. Oui, c'est une très bonne solution, c'est la solution. Oui. Excusez-moi, au niveau qualité-efficacité, c'est-à-dire si jamais c'est en panne, est-ce qu'il faut casser tout le carrelage pour réparer? Non. Aujourd'hui, on a des systèmes avec notamment les produits de synthèse aujourd'hui qui font qu'il n'y a pas de fuite sur les canalisations, c'est pas possible. Est-ce que vous me permettez de saluer mon frère qui est dans le sud? Mais bien sûr, qui je souhaite une excellente journée, Patrick, qui est un artisan du cœur, lui, excellent, qui est passionné par son métier. Ainsi que vous parliez décoration, et j'aurais voulu saluer Vincent, qui tient la voilerie du bassin sur Arcachon. Bon. Et n'hésitez pas à penser, justement, que au niveau décoration, la voilerie entre du bassin et les autres, en particulier, et bien vous pouvez aller chez eux pour décorer l'intérieur de votre maison. Ah, mais on ils font des pas. Toiles, etc., ou l'extérieur pour faire des toiles originales. Très bien. Sur le bassin, bah, c'est. Écoutez, merci pour cette merci belle page. Mais c'est vrai parce que cette ça page permet... d'autopub. Non, pas vraiment. Hein, non. Que ça permet de. Pas du tout. Ça permet justement. Ce sont des artisans, auxquels on peut faire appel, des fois on n'y pense pas. Tout voilà. à fait. Merci Karine. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. On enchaîne avec Pierre Marc qui est là. Pierre Marc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour François Sorel et Christian Pessier. Excusez-moi, mais j'ai du mal à parler parce que je suis tombé hier, je me suis mordu la langue. Ah, non, un chien. Ça, c'est embêtant. Non, mais je suis handicapé, j'ai une polyarthrite. C'est pour ça. D'accord. Mais en tout cas, on vous comprend très bien. Il n'y a pas de souci. Allez-y, posez votre question. Voilà, je suis à la retraite et j'habite un logement communal, dans une petite commune en Haute-Savoie. Et j'ai une DMC, j'ai emménagé dans le 2007, et j'ai une DMC simple flux. Et je voudrais connaître la réglementation de l'entretien officiel de cette DMC, hein, au niveau du groupe notamment, et puis je pense qu'il doit y avoir des filtres au niveau des bouches. Et voilà. Parce que, bon, bah, moi, je vais dépendre de la commune, si vous voulez. Je suis un particulier, mais c'est la commune qui me loge. Est-ce que c'est c'est un immeuble ou c'est une maison? Disons que c'est une maison dans le sens où j'ai un escalier en extérieur en bois, qui est le premier étage, et j'ai un deuxième escalier avec deux pièces. Quoi. D'accord. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de... Malheureusement... C'est deux logements, si vous voulez, vous avez deux logements qui sont mitoyens. D'accord. Non, je vous posais cette question parce que la seule réglementation qui existe avec la VMC, c'est lorsque les immeubles sont équipés, ce qu'on appelle le VMC gaz, c'est-à-dire que la VMC joue aussi un rôle dans le chauffage au gaz, dans les chaudières individuelles au gaz. Donc, à part cette réglementation qui remonte à 1985 d'ailleurs, qui est pas jeune, il n'y a malheureusement, et je le dénonce régulièrement, vous m'en donnez l'occasion, il n'y a pas de réglementation stricte sur l'entretien des VMC, qu'elle soit dans le locatif, dans le collectif ou qu'elle soit individuelle. Et je trouve ça tout à fait anormal parce qu'on a une réglementation extrêmement stricte pour le ramonage de cheminées dont la plupart ne sont plus utilisées, notamment en collectif et notamment donc par exemple à Paris. Et on a des obligations de ramonage même quand on n'utilise pas sa cheminée, ce qui est complètement idiot puisque maintenant pratiquement effectivement le chauffage n'est plus jamais individuel. Oui. Et en revanche, les VMC, il n'y a pas de réglementation. Alors, en revanche, donc on peut tourner sur un gros groupe. C'est ça. Et alors parce bon, à côté de chez moi, il y a une toute petite entreprise justement qui installe des VMC. Oui. Et donc, moi, je connais bien le maire. Hein. Bon. Hmm. Et pour cause, parce que je m'occupe de certaines manifestations. Et ce monsieur m'a dit, écoutez, adressez-vous au maire, hein, parce que moi, bon, je n'ai pas le... Voilà, c'est donc dans le locatif social, notamment, c'est à la disposition, à la discrétion, je veux dire, des offices de HLM qui le font, hein, normalement, ils le font. Donc, il y a quoi? Il y a une possibilité de dépoussiérage, de ramenage, en quelque sorte, de ces... C'est pas tellement différent, c'est même beaucoup plus simple, parfois, que certaines cheminées. Parce qu'il n'y a pas besoin de monter forcément sur le toit. Et puis surtout, la désinfection. Et je pense qu'on verra dans les années qui vont venir des pathologies du bâti, mais des pathologies aussi qui vont toucher la santé des gens, du fait que les VMC ne sont pas entretenus. Moi, j'engage tous ceux qui ont des VMC, simple flux ou double flux, à faire un entretien. Allez, on va dire, tous les 5 ans, par exemple. Hein. D'accord. Parce qu'il y a en plus des fois des accumulations d'humidité. Oui. Vous savez, quand il y a même parfois des phénomènes de refoulement d'eau au niveau des bouches, c'est une horreur. Parce que vous avez des gaines qui ne sont pas bien tendues, dans un grenier pas bien isolé, et là, vous avez des phénomènes de condensation.

verre hein, dans une ouais. dans une véranda. Mais ça, c'est pas une extension, une véritable extension qui va appeler permis de construire et qui va donc si elle fait plus de 20 mètres carrés, si vous êtes dans un lieu sans plan local d'urbanisme, ou si elle fait moins de 40 mètres carrés dans le cas d'une situation urbaine, on va dire oui. pour simplifier, si vous faites une véritable extension, vous allez de toute façon avoir un permis de construire. Si vous avez ce oui. permis, l'obligation de ce permis de construire, vous aurez l'obligation d'être conforme à la RT 2012. Donc, de toute façon, quels que soient les matériaux que vous utiliserez, on vous imposera la réglementation, notamment en matière d'isolation, et donc, ça sera aussi bon qu'une maison neuve, si vous voulez. Donc, il n'y a pas à craindre, si vous faites encore une fois une véritable extension, il n'y a pas véritablement à craindre de risque de manque d'isolation. Si vous faites une véranda, évidemment, ça c'est autre chose, puisque là, vous n'allez avoir que quelques, je sais pas, vous allez avoir 15 mètres carrés, peut-être, combien va faire votre extension. 20 mètres carrés, voilà. Alors, si elle va faire 20 mètres carrés, eh bien, vous ne vous ennuyez pas, effectivement, vous pouvez faire poser une véranda, mais vous n'aurez jamais dans une véranda la même isolation que dans une maison. Faut pas complètement d'accord. rêver, hein. D'accord. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. D'accord. Parce que maintenant, on fait des panneaux. Oui. C'est performant, je pense, au niveau de toiture de véranda. Bien sûr. On ne va pas atteindre une isolation. Dans l'ensemble de votre véranda, vous n'aurez pas la même isolation que dans une maison. D'accord. D'accord. Voilà. Martial. Merci monsieur. Merci à vous de nous écouter. Et c'est tout comme là, Martial. Je vais avoir des vérandalistes qui vont pas être contents. Ah, bah écoutez, mais ça c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein. Attendez, vous pouvez pas faire l'unanimité, Christian. Non. C'est pour ça aussi qu'on vous aime, c'est que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Voilà. Et quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, vous nous le dites. Question de Mika avant de retrouver la météo et les infos. J'ai un toit en ardoise, nous dit Mika. Il nous a envoyé cette question par mail maison@rmc.fr. Sont poreuses, donc les tuiles et décolorées. Non, les ardoises. Les ardoises, pardon. Ah, bon, faites attention. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. On me propose de les peindre avec une résine spéciale. Oui. Est-ce une bonne solution, donc, de peindre ces ardoises avec une résine? Alors, on est là dans la problématique de toutes les toitures qui ont été, ou qui sont encore, mais qui ont été surtout couvertes avec de l'ardoise synthétique, c'est-à-dire de l'ardoise fibro, notamment dans les années 70-80, avec un matériau qui ne vieillit pas très bien. Alors, ce matériau, il ne vieillit pas très bien esthétiquement, et puis, dans certains cas, il devient poreux. Alors, esthétiquement, il blanchit, et donc c'est pas très beau. La solution de peinture de résine est effectivement tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois une étanchéité et une esthétique correcte. Oui. Le problème c'est que ça va recommencer dans 5 ans, quoi. Ah voilà. Donc la question à se poser, si ça n'est qu'esthétique, ça peut valoir le coup peut-être de refaire donc cette peinture. Si c'est esthétique et poreux, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça vaudrait pas mieux refaire sa couverture, d'en profiter aussi pour faire une bonne isolation, notamment par l'extérieur. Moi, ça me paraîtrait la solution raisonnable parce que je l'ai vu faire. Je peux vous dire dans près de mon bureau, il y a un hôtel, un hôtel très accessible, on va dire en prix, et qui a été construit de façon assez cheap dans les années 80, avec justement de l'ardoise fibreux qui était complètement blanchie. Alors, ça n'a pas résisté du tout. Ils l'ont repeint, je l'ai vu repeindre il y a 2-3 ans, et là, quand je repasse devant, je vois bien que c'est en train de redevenir pareil, quoi. C'est-à-dire ça ne résiste pas 25 ans comme devrait résister. Sans problème, n'importe quelle couverture. D'accord. Bon, eh bien voilà. Précision c'est quand même faite. C'est quand même limité, mais sinon c'est efficace. Christian, oui. Il est bientôt 9h. Eh oui. Voilà, on est à mi-parcours de ce rendez-vous maison. Et pour cette deuxième partie qui arrive après la météo et les infos, on vous réserve un spécial achat dans le neuf, un appartement neuf, faire construire sa maison individuelle. C'est vrai que c'est le rêve pour beaucoup de Français. Quel est le rôle de l'architecte, du promoteur, du constructeur? Achat sur plan, achat d'un bien neuf déjà construit. Le financement, on évoque tous ces sujets dans quelques instants avec nos invités. Et bien sûr, vos questions dès maintenant. Le 3216 ou maison@rmc.fr. N'hésitez pas, profitez-en. À tout de suite. Là pour vous. RMC 8h10h. Votre maison. GPS.

du nouveau coach après 6 années de réussite sous l'ère Jocelyn Gourvennec débute à merveille. Le mercato ne s'est pas fait à la va-vite et les nouveaux arrivants comme Luc Ado savent qu'ici, il est aisé de rester concentré sur son objectif, le maintien en Ligue 1. C'est sûr qu'on peut pas se concentrer sur autre chose. C'est compliqué. C'est un petit endroit, mais bon, il y a quand même une université, il y a des hypermarchés. C'est étonnant pour une ville aussi petite. Avec ses 8000 habitants, il y a bien longtemps que Guingamp joue dans la cour des grands et garde sûrement encore de belles surprises en magasin. Guingamp qui affrontera Montpellier. Aujourd'hui, avant cela, Lyon reçoit Bordeaux. Autre rendez-vous de l'autre côté de la Manche cette fois-ci. Manchester United, Manchester City, choc de première ligue à suivre sur SFR Sport 1 à 13h30 avec dans les rangs de United un homme qu'on connaît bien, Zlatan Ibrahimovic, qui s'est confié avec toujours le même talent sur sa relation avec l'autre star, Paul Pogba. Ma relation avec Paul est très simple. Je parle, il écoute, c'est comme ça qu'on fait. Et ce n'est jamais l'inverse. Non, vraiment pas. Voilà, c'est clair. La Ligue 2 de football en France, Amiens, Reims, Brest, le trio de tête après 6 journées. Mais ce matin, on vous parle d'un club historique du football français, l'AJ Auxerre, qui depuis hier va devoir se mettre au chinois, Julien Richard. Oui, jusqu'au bout, l'association de la GIA, qui détient 40% du club, s'est battue à conserver sa minorité de blocage, en gros pour garder son mot à dire sur l'avenir du club. On défend le patrimoine. Alors hier soir, son président Michel Parmentier avait le sourire. Qui viennent avec un vrai projet sur la formation qui est l'ADN du club. Le président Xu est un admirateur forcené de Giroud. Moi, je pense qu'on commence bien, quoi. Le nouvel actionnaire chinois a promis de verser 2 millions d'euros chaque année pendant 3 ans. Une bouffée d'air pour le club bourguignon et un espoir pour les supporters. Ça nous évite le dépôt de bilan, c'est déjà ça. On va peut-être avoir les finances maintenant pour remonter en Ligue 1 et retrouver le grand AJA des années 80, 90, 2000. Avec tout de même quelques réserves. Faut que ce soit sur la durée. On a vu des clubs qui se sont écroulés aussi avec ça, donc faut que ce soit du long terme. Il reste maintenant aux supporters auxerrois quelques progrès à faire en chinois. Arigato. Voilà, le chinois, c'est sûr qu'il y a du boulot. Le tennis, 6-3, 6-2, 3-6, 6-2. Finalement, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée cette nuit de Gaël Monfils à l'US Open, demi-finale du tournoi du Grand Chelem. Le Français n'était pas de taille, même s'il a tout tenté, selon Sarah Pitkowski. On a assisté pendant 2 sets à une absence de Gaël Monfils qui refusait véritablement le combat avec Djokovic. Il semblait résigné parce qu'il est convaincu de ne pas avoir la bonne tactique et les armes. Et lorsqu'on voit le 3e set et le 4e set et l'état de fatigue, l'état de stress de Djokovic qui sent qu'il ne peut pas frapper à pleine puissance, on se dit que là il y a quelque chose. C'est-à-dire que s'il avait pu le pousser, on aurait pu peut-être avoir une belle surprise de la part de Gaël Monfils. Voilà, c'est raté pour Gaël Monfils. Novak Djokovic affrontera Stan Wawrinka en finale de cette US Open. 9h09, François Sorel. Oui. Les courses pour terminer. Tiers écarté quinte et puce à Vincennes, Thomas. Et Sébastien Darras nous conseille pour cet après-midi le 15 Arlington Dream et l'As Archangel Am. Brahim Asloumane vient le 17 Ariane du Caponnet. Laurent Godard, quant à lui, retient le 3 Cash Gamble et le 10 Apollo de Cassis. Le 15, l'As, le 17, le 3 et le 10. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, deuxième partie de notre rendez-vous maison, nous allons vous donner un maximum de conseils pour acheter un appartement neuf, faire construire sa maison individuelle. Le 3216 maison@rmc.fr si vous avez des questions sur ce sujet. À tout de suite. La foire au vin Netto, c'est la foire aux bonnes affaires, ben voyons. Eh oui, jusqu'au 18 septembre, partez avec 2 cartons de vin pour moins de 25 euros avec l'offre un carton acheté, un carton gratuit. Netto, le discounter qui fait la différence. 2 cartons de 6 x 75 centilitres, soit 900 centilitres, soit moins de 2,78 euros le litre, valable sur une sélection de vins disponibles en magasin. Magasin participant sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous ? Oula, oui, freinez encore ? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100 euros offerts en bons d'achat pour 500 euros d'achat en meubles, déco et électroménager. 100 euros offerts! Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Ah oui, là on sort le lourd là, oui, évidemment, c'est de la construction là, carrément. Hein. Il est 9h12, c'est RMC, la maison, et pour cette deuxième partie, on va parler de neuf, d'appartements neufs, et de faire construire sa maison ce matin. Oui, c'est le rêve, paraît-il, des deux tiers des Français que de faire construire, soit dans le collectif, soit dans l'individuel, à travers une maison individuelle. Alors on a beaucoup d'invités ce matin, nous avons Benoît Aiglon, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région centre de la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc c'est vous qui construisez les tours. Non, pas les tours, enfin, tant que les tours, c'est fini maintenant. Nous avons Dominique Dupéret, bonjour. Vous êtes délégué général de la LCA-FFB, autrement dit l'Union des constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment. Tout à fait. Vous êtes un pavillonneur, quoi. Oh, pavillonneur, c'est un mot que nous n'aimons pas. Oui, c'est vrai, mais pourtant, quoi, un pavillon. Nous construisons des maisons. Mais ça, voilà, que pavillon, c'est plus un mot mot de début de siècle, c'est vrai, qu'on n'emploie plus. Philippe Giorgi, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte DPLG, diplômé par le gouvernement. Absolument, ce qui n'existe plus. Oui, d'accord, mais enfin bon, on continue à le dire, et vous le dites même dans votre site, donc ça m'aide que ça se dit toujours. Vous êtes patron donc du cabinet d'architecte éponyme, comme on dit, c'est-à-dire du même nom, et vous allez nous parler du rôle de l'architecte dans la construction d'une maison, dans sa transformation et dans son extension. Voilà, et nous aurons tout à l'heure Philippe Taboret pour nous parler qui lui est directeur général adjoint de CAFPI, pour nous parler donc du crédit. Et on finira par Pascal Tournier, qui doit déjà être en train d'écouter la radio. Hein, Pascal Tournier, qui est le délégué général de Faire Construire Sa Maison. Pas le délégué général, qu'est-ce que je dis ? Commissaire général du salon Faire Construire Sa Maison, qui a lieu Porte de Versailles ce week-end. Donc il nous expliquera qui on peut y trouver et en quoi ça peut être utile lorsqu'on veut acheter dans le neuf. Ma première question sera pour Benoît Aiglon. Quand on veut faire l'acquisition d'un logement neuf, eh bien, on est un petit peu, fatalement un peu perdu avec différentes solutions. On entend parler de VEFA. Moi, j'ai découvert il y a quelques années ce que ça voulait dire. Mais est-ce qu'on est obligé d'acheter donc sur plan ? Est-ce qu'on peut acheter déjà dans du neuf construit ? Quelle est pour vous la meilleure solution ? C'est quoi d'abord VEFA ? Alors, VFA, c'est un mot particulier. C'est la vente en l'état futur d'achèvement. Effectivement, ça correspond à la vente sur plan. Quand vous achetez un immobilier dans l'immobilier du neuf, vous pouvez acheter sur plan, c'est l'avantage de vous donner du choix, notamment sur la typologie que vous voulez faire, les aménagements intérieurs, les expositions, les étages, etc. Mais c'est pas le risque aussi que ça mette 2 ans de plus pour avoir son logement ? Alors le risque, il existe, mais en amont. Il est pour nous. C'est-à-dire c'est un dossier qui est complexe, c'est le dossier du permis de construire en collectif et qui, lui, dure assez longtemps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Par contre, au niveau du particulier qui achète en VFA, il est cadré dans une réglementation très très précise et c'est une réglementation qui permet de passer devant un officier ministériel, devant un notaire pour faire un acte et l'acte vous apporte toutes les garanties, notamment la garantie financière d'achèvement, la dommage-ouvrage pour la garantie décennale du bâtiment, c'est du neuf. Oui, d'accord. Des avantages. Tout est planifié, c'est-à-dire les différentes étapes de construction sont planifiées, etc. Absolument. Quand le client passe chez le notaire, il a tous les détails dans ce domaine. C'est alors, très cadré. Quels sont les critères de qualité qu'on peut rechercher ? J'ai vu, il y a des normes, il y a des labels. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, c'est vrai que les normes, on les empile quand même pas mal en ce moment. Oui, notamment les normes handicapées. Ouais. Aujourd'hui, dans le neuf, tout est quand même très, très, très cadré. C'est-à-dire qu'au niveau d'un bâtiment neuf, il n'est pas construit comme ça par hasard avec n'importe quelle réglementation. Vous avez aujourd'hui d'abord un outil, le seul outil qui soit utile vis-à-vis de la permis de construire, c'est le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le PLU. Le PLU. Enfin, là où il y en a, parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Oui, c'est rare maintenant. C'est rare. Qui sont restés avec le plan d'occupation des sols. Oui, mais c'est quasiment obsolète le poste aujourd'hui. Mais alors maintenant, vous pouvez construire autant de mètres carrés que vous voulez sur une surface donnée. Non. Aujourd'hui, vous avez des études qui sont faites grâce au PLU sur les gabarits de vos bâtiments. D'accord. On vous impose les héberges, les hauteurs, les volumes, le nombre de parkings, quasiment les couleurs, les fenêtres. On vous impose absolument tout. Donc au niveau d'une VFA, vous êtes très très cadré parce qu'effectivement, vous êtes encadré par l'acte notarié, par les garanties financières, par des engagements du professionnel. Et tout ça, c'était établi au travers d'un organisme qui est un peu garant de la profession, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers, qui regroupe les professionnels en France. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes à peu près 500. Ce sont des sujets qui sont quand même très très précis. Acheter sur plan, est-ce qu'on fait une bonne affaire financièrement? Est-ce qu'un appartement sur plan coûte moins cher que lorsqu'il est déjà livré, enfin voilà, construit et qu'on nous livre déjà fabriqué? Alors je vais vous retourner la question, c'est pas une bonne affaire puisque le prix est ferme. Donc c'est pas forcément une meilleure affaire, l'avantage c'est de pouvoir choisir. Ça c'est important. Alors comme on dit dans le jargon aussi, quand vous achetez un appartement fini, vous achetez un petit peu le canard de la résidence. C'est-à-dire oui, c'est ce qu'on n'a pas voulu. Voilà. Les appartements qui se vendent bien sont toujours ceux qui sont vendus sur plan en amont. Quand vous avez un chantier qui démarre, que l'appartement n'est pas vendu sur plan, pas vendu en cours de travaux, pas vendu une fois fini, oui, c'est, qu'il y a... c'est pas forcément le plus beau. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, pas forcément une meilleure affaire financière, mais au moins, on peut véritablement construire son logement quand on, comme on veut et le... Voilà. Oui, c'est-à-dire on a l'avantage de pouvoir modifier les plans sur mesure, tout ça au travers de sécurité ferme, c'est-à-dire nous avons des bureaux d'études béton, acoustique, thermique, nous sommes des bâtiments hautement qualifiés aujourd'hui, réglementation thermique 2012, etc. etc. Normes handicapées à 100%. On revient dans un instant, 9h18. Et on va parler maison individuelle. Vous avez des questions sur ce sujet. Oui, n'hésitez pas. Hein. Vous avez des spécialistes qui sont là, rien revenez, que pour vous. Revenez sur le sujet. 3216 ou bien maison@rmc.fr. A tout de suite, c'est RMC. RMC, 8h-10h. Votre maison. Le mois Carrefour. Hey Val, tu sais que pendant le mois Carrefour, il y a des deals du jour incroyables. Mais oui, et même sur le champagne. Aujourd'hui, on a 70% d'économies sur la carte Carrefour sur le champagne Monopole à Itzik. Tu l'as bien sur toi, la carte? Toujours. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre incroyable. Aujourd'hui, profitez de 70% d'économies sur la carte Carrefour sur le champagne Monopole à Itzik. Valable sur la cuvée Gold Top millésimé 2009, 75 centilitres, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey, le combat d'un homme pour la dignité. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Dans le tumulte de la guerre de sécession, d'après une extraordinaire histoire vraie, Free State of Jones. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Free State of Jones, le 14 septembre au cinéma. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. J'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Avec France Gallo et RMC, ne ratez pas demain la journée des cracks du prix de l'Arc de Triomphe. Assistez aux dernières courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe, découvrez des animations en famille sur l'hippodrome de Chantilly et vivez le suspense de cette sixième étape des Epic Series. Entrée à partir de 8 euros, gratuite pour les enfants. Plus d'infos sur qatararctrials.com ou epic.fr. Petits pois champions de leur catégorie cherchent cuisses de poulet bien musclées pour piquer un sprint dans la cocotte. Justement chez Grand Frais, les cuisses de poulet avec dos Origine France sont à 2,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 10 septembre, vendu en cassette d'environ 3 kilos. Magasin participant sur grandfrais.com. RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Vous projetez peut-être de vous offrir un appartement neuf, de faire construire, ça tombe bien. Jusqu'à 10h dans ce rendez-vous maison, on évoque tous ces sujets avec nos invités et Christian Pesset. Oui, nous sommes avec Benoît Aiglon de la Fédération des promoteurs immobiliers, avec Philippe Georgi, architecte, et puis avec Dominique Dupéret, délégué général de la LCRFFV, autrement dit l'Union des constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment. J'y suis arrivé. Dites-moi, monsieur Dupéret, vous représentez donc une partie de la profession des constructeurs donc de maisons individuelles. Quel est le cadre véritablement qui permet justement, on parlait pour le les immeubles à l'instant, pour le collectif, quel est le cadre qui permet d'être garanti, de ne pas avoir trop de soucis quand on fait construire une maison individuelle? Eh bien, comme ça a été dit tout à l'heure par nos amis promoteurs, les constructeurs, en effet, évoluent dans un cadre juridique extrêmement strict, encadré, qui était écrit par une loi qui date déjà de 1990 et qui a fait ses preuves. Et donc, tous les constructeurs qui sont dans ce cadre, que nous représentons, parce que pour être adhérent de LCFFB, c'est l'obligation de respecter ce cadre juridique très strict, eh bien, en effet, d'une part, un contrat donc très précis, contrat de construction de maison individuelle, c'est son nom, très précis, qui définit comment la maison sera construite, avec une notice descriptive très précise, avec bien entendu ce qui suscite toujours les gens, des paiements qui sont définis, c'est-à-dire que vous ne payez pas n'importe quoi à n'importe quel moment, entre l'ouverture du chantier jusqu'à la fin, jusqu'à la remise des clés, vous avez tout un échelonnement de paiement, et à cet échelonnement doit correspondre un niveau de travaux. Et puis vous avez, comme chez les promoteurs, une garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est le titre, c'est l'expression légale. Alors, ça veut dire quoi? Que si par malheur l'entreprise est défaillante, eh bien vous avez une société d'assurance qui garantit des pénalités de retard s'il y a des retards sur le chantier, et surtout qui vous finira le chantier à prix et délai convenu, c'est-à-dire sans qu'il y ait de surcoût pour le client. C'est une garantie qui est Même si le promoteur s'en va. C'est un constructeur. Admettons en effet, mais votre question est précise, si le constructeur est vraiment défaillant, donc s'il est en redressement, voire en liquidation judiciaire, eh bien, si par exemple vous êtes avant l'ouverture de chantier, toutes les sommes que vous auriez versées avant l'ouverture, à la signature du contrat ou au permis de construire, leur remboursement est garanti. Et puis, si vous êtes en cours de construction, il appartient au garant de terminer la construction dans les prix et délais convenus. Ça suppose d'avoir un contrat de construction, mais il y a beaucoup de gens en France qui construisent sans ce type de contrat. Et là, si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, c'est le meilleur conseil que nous puissions donner aux auditeurs, d'ailleurs. Quand ils choisissent un professionnel, que ce soit pour un appartement, etc., il y a des gens qui sont dans des organisations professionnelles comme l'FPI, qui sont à LCA, comme les constructeurs et également des promoteurs. Là, on est sûr qu'ils respecte le cadre juridique. Donc, pour trouver le bon professionnel, la bonne adresse, déjà, c'est savoir s'ils sont dans une organisation professionnelle dont on est sûr que les membres respectent le cadre. D'accord. Et donc, se poser la question, est-ce que c'est la bonne formule juridique, etc. Ça, c'est la branche. Alors, effectivement, si par malheur, le client moins informé a choisi un opérateur qui n'est pas dans ce cadre, et effectivement, il peut se trouver très très en difficulté si la maison est inachevée ou l'immeuble, et puis si jamais... Dans ce cas, il n'a aucun recours? Dans ce cas, si, il a des recours juridiques habituels, recours classiques qui sont prévus par le code civil pour tout créancier, mais il va de soi, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Alors rappelons, l'obligation de la dommage ouvrage, je ne cesse de marteler ça à longueur d'émission depuis des années... Donc, dans le cadre d'un contrat de construction, il y a forcément l'assurance dommage ouvrage. Absolument. Je rappelle en quelques mots, l'assurance dommage ouvrage, c'est celle qui se substitue à celui qui a construit votre maison lorsqu'il y a des problèmes dans le cadre de la décennale, c'est-à-dire dans les 10 ans. C'est pas aussi idyllique que peut-être je le décris, parce que les assureurs traînent souvent des pieds dans ce cadre-là. Je veux pas dire du mal des assureurs, mais enfin, on sait. Et souvent, on vous incite à ne pas prendre la dommage ouvrage en disant ça va vous faire 3 ou 4% de moins sur le prix du chantier? Bien sûr. Alors, c'est évidemment le conseil dramatique et même fallacieux qu'on donne. Parce que c'est une obligation légale. La loi Espinetta. L'assurance dommage ouvrage est une obligation légale. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de pénalité. Donc, alors, toute personne qui construit doit souscrire une assurance dommage ouvrage. Si ce n'est que pour un particulier, il n'y a pas de sanction pénale, si vous voulez. Donc, s'il n'en prend pas, il n'y a pas de sanction. Mais il peut avoir une sanction terrible. C'est que si... Une fois la réception faite, il y a en effet des problèmes sur la structure de la maison, etc. Problèmes décennaux. Il sera obligé de faire jouer les assurances décennales opérateurs. C'est la galère. Et là, c'est difficile. Il faut souvent faire du judiciaire. Que la dommage ouvrage permet de l'éviter largement. Benoît Aiglon, de la FPI.

avec deux autres hommes. L'enquête sur cette voiture retrouvée remplie de bonbonnes de gaz à Paris le week-end dernier. Elles sont ultra radicalisées, disait hier le procureur de Paris, et leur acte était commandé directement par des membres de Daesh en Syrie. Un accord entre Russie et États-Unis, discussion vraisemblablement fructueuse hier à Genève, Moscou et Washington sont tombés d'accord pour organiser une trêve des combats en Syrie, trêve qui pourrait débuter lundi. Et si le calme dure au moins une semaine, les deux puissances envisagent même une coopération militaire sur place. Les sports, le PSG qui ne fait pas le spectacle, mais surtout qui ne gagne pas un partout seulement hier soir face à Saint-Etienne. Ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui à 17h, notamment Lyon qui reçoit Bordeaux. Et puis le tennis, Gaël Monfils n'a pas fait le poids, demi-finale de l'US Open. Et Novak Djokovic s'est facilement défait du français en 4-7 la nuit dernière. 9h31 sur RMC. Christian Pessé et François Sorel avec vous pour s'occuper de votre maison. Merci Thomas, on vous retrouve demain matin Thomas. À demain. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 10h bien sûr sur RMC. On parle d'appartements neufs, de construction de maisons ce matin jusqu'à 10h. N'hésitez pas à nous appeler ou à témoigner 3216 ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Cricri, attention, c'est l'heure de la question oui, flash. François. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de James. Je le jure. Les gouttières de ma maison sont malades, nous dit James. Oui. Quels sont les différents matériaux possibles? Je sais qu'il en existe en PVC, facile à installer soi-même, mais est-ce la bonne solution avec une maison du 18e siècle? Ah oui, si on a une maison du 18e siècle. Ouais, PVC 18e, le c'est PVC, pas compatible. Ça va pas le faire, comme on dit en Normandie. Non, on va rester sur du classique. Alors bon, le plus classique, je vais le développer, si j'ose dire, ça reste le zinc, mais il y a des possibilités aussi d'utiliser du cuivre, ça peut avoir beaucoup de gueule. Il y a de l'aluminium et puis il y a aussi de l'acier laqué. Ça existe, mais évidemment, comme je le disais, le plus classique, ça reste le zinc. Alors, il va falloir faire attention si jamais on veut le poser soi-même, c'est pas très simple, mais il va falloir faire attention à ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire on va, pour simplifier, le diamètre quelque part de la gouttière qui va être fonction de la surface de la toiture et donc de la capacité à évacuer l'eau qui va tomber sur le toit. Alors par exemple, pour de 30 à 100 mètres carrés, on va avoir un développement de 250 mm. Et puis on fera attention aussi au diamètre des descentes. Il va falloir dans ce cas-là, je citais les 30 à 100 mètres carrés, ce qui est le grand classique, et bien on va avoir des descentes par exemple de 80 mm de diamètre. Alors le problème de la gouttière zinc, c'est évidemment l'assemblage. Alors l'assemblage, il y en a plusieurs types. Il y a aujourd'hui des assemblages par emboîtement, c'est-à-dire mécanique tout bêtement, avec un joint. Il y a des possibilités d'assemblage collé, avec là aussi, en général, c'est à base de silicone, une colle qui va assurer aussi l'étanchéité. Et puis, le grand classique, l'assemblage noble, c'est l'assemblage qu'on dit soudé, en fait, qui est brasé avec un fer spécial de couvreur zingueur avec de la brasure à l'étain à 33%. C'est le nec plus ultra. Christian, vous êtes tellement bon qu'on ne pourra jamais vous dézinguer. Le 3216 ou bien maison@rmc.fr. Merci. Je vous en prie. Merci. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 73216. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être avec nous, bon week-end avec RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison, il est 9h35, on est là jusqu'à 10h. Et on parle surtout de construction neuve. Voilà, construction neuve, et puis à partir de 10h vous retrouverez les GG du sport, bien entendu, avec Serge Chimon et Christophe Cessieux. Christian, oui, nous avons Denis tout de suite, oui, qui nous appelle au 3216. Avant qu'on parle d'architecture, si j'ose dire, on va parler de problèmes de sol. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Bonjour Denis. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai une question importante qui est jamais soulevée au niveau des constructeurs de maisons individuelles. C'est donc la étude de sol. Oui, vous avez tout à fait raison. Elle n'est pas soulevée systématiquement par les constructeurs et elle n'est pas obligatoire pour les constructeurs. Je voudrais savoir simplement pour quelles raisons les assureurs n'apportent pas l'étude de sol et pour quelles raisons, quand on va en dommage ouvrage, systématiquement, on a donc la réclamation de l'étude de sol. Eh oui, c'est une très bonne question que la vôtre. Elle vient complètement dans la suite de l'émission de la semaine dernière. On nous a parlé des fissurations et notamment des problèmes de retrait et gonflement d'argile qui sont avec l'évolution des conditions climatiques qui effectivement sont de plus en plus fréquents. Bon, on a parlé aussi des phénomènes sismiques, mais là, c'est surtout les problèmes, vous avez raison, d'études de sol. Monsieur Dupéret, donc vous de la FFB, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous ne systématisez pas, par exemple, dans vos contrats de constructeur, de construction, pourquoi vous n'imposez pas l'étude de sol? Parce que après, c'est une cata. Il faut effectivement. Et Denis a raison. Les assureurs, quand on fait jouer la dommage ouvrage, réclament l'étude de sol en disant ah bah écoutez, c'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à faire une étude de sol. Mais en fait, l'étude de sol, elle est pas directement obligatoire au sens juridique du terme. Mais je dirais qu'en termes d'obligation, elle l'est par nature, puisque en tant que constructeur, nous devons garantir un prix. Hein, et nous devons chiffrer tous les travaux indispensables à la bonne utilisation de la maison. Donc il va de soi que nous avons tout intérêt à faire cette étude de sol pour bien chiffrer ce qui convient de chiffrer pour l'adaptation de la maison au sol. D'accord, vous avez raison, mais ça se fait pas systématiquement. Il est faux de dire que justement nos assureurs TCNO et la dommage ouvrage aujourd'hui exige qu'il y ait des études de sol pour que effectivement la sinistralité et la prévention de la sinistralité soient maximales. Donc aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a pas l'obligation légale, si vous voulez, mais il y a une pression telle, et c'est bien normal. De toute façon, vous la conseillez. C'est évident. Bon. Et en plus, alors, ce que nous réclamons depuis des années et des années, c'est que le terrain, en cas de maison individuelle, il n'est pas acheté par le constructeur, il est acheté par le particulier. C'est la différence avec une opération de promotion, c'est le professionnel qui achète le terrain et qui construit dessus. Donc, il maîtrise de l'ensemble. Le client achète son terrain et il faut exiger du vendeur de terrain, et ça nous aimerions que ça devienne une obligation, il faut exiger du vendeur qui donne des éléments sur le sol et la qualité du sol pour construire. On va parler architecte. Quel est le rôle de l'architecte Philippe Giorgi aujourd'hui? Est-ce qu'il disparaît pas finalement dans l'espèce de standardisation des immeubles, dans la standardisation des maisons? On a un peu l'impression qu'il y a un architecte qui intervient une fois et puis 10 ans après, on est toujours avec le même plan d'architecte. Vous y retrouvez là-dedans? On arrive assez facilement à s'y retrouver. Et dès l'instant où je trouve personnellement en exerçant que les PLU sont relativement moins plans locaux d'urbanisme. Plans locaux d'urbanisme sont beaucoup moins restrictifs qu'ils ne pouvaient être quelques années auparavant. Il y a une certaine souplesse dans l'évolution de la recherche des volumes, de la possibilité de réaliser des toitures terrasses. Oui. Je trouve que c'est plutôt plus permissif que d'accord, ça pouvait l'être. Mais ça veut dire que lorsqu'on a un constructeur de maison individuelle, donc pas un pavillonneur, hein, un constructeur de maison individuelle, est-ce que finalement il vous amène un projet, on voit plus l'architecte là. Est-ce que vous intervenez quand même dans l'adaptation, oui, dans le suivi? Non, là vous ne, dans, avec un constructeur de maison individuelle, vous suivez plus rien. Avec un constructeur, non, l'architecte maîtrise la situation dès l'instant où c'est lui qui est à l'origine de la conception d'accord, du projet, voilà, et il soumet les plans au constructeur de telle façon à ce que ce soit lui qui prenne en charge la poursuite du projet sur la base des plans qui ont totalement été complètement arrêtés et figés par l'architecte. D'accord. Et le rôle de l'architecte est effectivement de faire toute cette vérification en cours de chantier pour vérifier la conformité des plans qu'il a effectués. Quand c'est une maison originale, je dirais. Si c'est un modèle de maison sur catalogue, vous ne vérifiez plus rien. Si son rôle, quelle que soit l'importance du projet, d'accord, la complexité, reste identique. Que ce soit un projet de extrêmement simpliste ou un projet extrêmement complexe, dans les cas de figure, son d'accord, rôle reste inchangé. Alors sur votre site, moi j'ai vu quelque chose de très intéressant qui est le relooking des maisons. C'est-à-dire qu'on parle toujours de relooking de meubles, etc. Et là, vous jouez un rôle très important. On voit le pavillon ringard, j'exagère, mais un peu ringard, et puis on a d'un seul coup une maison d'architecte. Ça coûte cher, ça aussi, alors, non? Il faut savoir qu'effectivement, depuis La difficulté pour les clients de trouver des terrains, oui, fait que la plupart des personnes qui se présentent avec de nouveaux projets concernent souvent des terrains avec des constructions. D'accord. Et donc il a fallu en tant qu'architecte se remettre un petit peu en cause et non pas systématiquement demander la démolition de la maison pour repartir sur une construction neuve. Et donc il y a ce qu'on appelle une forme de relooking qui est un marché assez intéressant de partir d'une maison extrêmement classique et de pouvoir, avec une peau, avec toute sa créativité, pouvoir la transformer. Et c'est pas plus simple de foutre un coup de bulle dedans et de remonter quelque chose de neuf? Alors, il faut savoir que des fois, la réglementation et la position de la maison, au vu du PLU, si cette maison devait être démolie, il serait tout à fait, enfin, selon les règles d'urbanisme en vigueur, impossible de la reconstruire à ce même endroit. Donc, on part du principe et du fait que la maison étant existante, le fait de la relooker permet de la conserver à ce même endroit. Le coût, en gros? Il est légèrement inférieur à la construction d'une maison. Mais comme le relooking ne peut pas intervenir sans travailler sur la globalité du projet, on atteint des montants qui sont presque sensiblement équivalents. Audrey nous appelle au 3216. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on vous écoute Audrey. Merci. Je voulais vous demander des renseignements dans le cadre de l'achat d'appartements sur plan. S'il y avait deux trois points auxquels on doit être particulièrement vigilant avant l'achat, parce que c'est vrai que ça serait notre premier achat, donc on n'a pas forcément toutes les connaissances dans ce milieu-là. Et vous êtes en phase d'achat, là? Vous regardez un petit peu autour de vous, Audrey? C'est ça, on est en train de se renseigner, donc on nous parle d'appartements, de plein de normes, tout ça, mais est-ce que dans le cadre d'achat sur plan, c'est particulier, ça reste quelque chose d'abstrait pour nous qui ne connaissons pas forcément? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse particulièrement attention? Alors, quels sont les points, Benoît Aiglon, quelques points à vraiment vérifier? Oui, bonjour madame. Bonjour. Premier point, c'est un petit clin d'œil. Assurez-vous que le promoteur soit adhérent de la fédération, il sera déjà cadré. Oui, d'accord. Il sera déjà encadré par plein d'engagements. Acheter sur plan, c'est en général ce qui se passe le plus souvent. Comme vous achetez sur plan aujourd'hui, vous êtes forcément dans des permis de construire nouveaux, donc qui sont déjà encadrés par une réglementation thermique RT 2012. Le promoteur, forcément, a toutes les études béton, études de sol, puisque c'est imposé, puisque là, on parle de collectif, c'est pas tout à fait pareil. Et l'avantage d'être sur plan, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez choisir un peu votre appartement. Quand vous avez un permis de construire neuf, vous êtes forcément dans des coefficients thermiques et phoniques qui sont très faibles aujourd'hui, avec des bâtiments de qualité. Ce qu'il faut vous assurer, c'est votre notaire, ou le notaire du promoteur, puisque dans le cas d'une nouvelle phase, ce sont les mêmes actes, vous donneront tous les renseignements sur la date du permis, sur le plan que vous allez signer et sur les dates de livraison. Vous avez deux possibilités, soit vous réservez un appartement pendant que le permis est en instruction, mais le promoteur vous donnera forcément la date de dépôt de permis. Ça, c'est peut-être un peu plus risqué, non? Non, pas forcément. Ça se pratique très souvent, puisque c'est aussi une demande bancaire. Que ça se pratique, c'est une chose. D'un autre côté, si le permis est obtenu, vous aurez le numéro du permis, c'est facilement vérifiable. On est bien d'accord c'est très cadré. Qu'on peut toujours faire intervenir son notaire. Imposer le notaire du promoteur si on souhaite faire intervenir le sien. Il n'y a aucune obligation dans ce domaine. D'accord. Ça vous va, Audrey? Oui, très bien. Je vous remercie. Très bien. Écoutez, on vous souhaite une belle acquisition, alors. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On revient dans un instant, Christian. On va parler de financement. Oui, on va parler de financement. Et oui, avec le directeur général adjoint de la CAFPI, vous savez, qui est une espèce de courtier crédit. Il va nous expliquer comment ça fonctionne dans un instant. 3216 ou maison@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre maison. Finement ciselé, cherche spaghetti ferme et élancé pour nouer une relation al dente. Justement, chez Grand Frais, les pâtes italiennes Agnesi format 1 kg sont à seulement 99 centimes au lieu de 1,69€, soit 40% de réduction. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 10 septembre, 3 variétés au choix. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il rentre dans la surface, il tire et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et Bein Sport avec le 13 septembre Paris Saint-Germain Arsenal à 20h45 en exclusivité sur Bein Sport et le 14 septembre Tottenham Monaco à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et Bein Sport. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh, la chance! Il tient? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical. Kevin Costner, c'était un dangereux criminel. Il ne contrôle pas ses pulsions, il ne ressent rien. Ils ont voulu en faire un espion. Ils se sont servis de moi en pensant pouvoir me contrôler. Mais ils ont eu tort. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Criminol, un espion dans la tête. Actuellement en Blu-ray et DVD avec RMC. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. RMC, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Ce matin sur RMC, dans ce rendez-vous maison, on parle du fait de pouvoir acheter un appartement neuf, de faire construire sa maison individuelle avec nos invités. On évoque maintenant le volet finance, Christian, qui est hyper important, surtout en cette période. Ah oui, surtout. Donc nous avons Philippe Taboret en ligne, qui est directeur général adjoint de la CAFPI. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. La CAFPI, c'est on dit là ou on dit la CAFPI? On dit CAFPI tout simplement. On dit CAFPI tout court. Alors CAFPI, c'est donc une association professionnelle. Vous êtes prof. D'ailleurs, vous êtes non, c'est pas une association, c'est une entreprise. Mais simplement, vous êtes vous président de l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. On peut dire ça? C'est absolument ça. CAFPI, c'est un courtier en crédit, hein, le leader en France de cette activité d'intermédiation de crédit entre l'emprunteur et la banque. Oui. Et puis, je suis en même temps président de l'association qui représente l'ensemble des entreprises de cette activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut véritablement dire aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que les taux n'ont jamais été aussi bas et qu'on peut emprunter à 1,5% comme on l'a entendu dire par certains? Ah bah absolument. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup ces derniers temps, les taux n'ont jamais été aussi bas, et pour autant c'est vrai, puisque chaque mois, depuis maintenant plus d'un an, les taux sont chaque mois un peu plus faibles pour atteindre des planchers. Alors lesquels planchers, on ne sait jamais, hein, ils pourront être encore peut-être un peu plus bas le mois prochain, mais là vraiment on arrive au seuil. C'est quoi en ce moment-là? On peut obtenir un crédit à combien? Alors on peut obtenir, ça veut dire que si on a un excellent dossier et qu'on est un excellent négociateur auprès des banques, eh bien on peut obtenir des crédits de l'ordre de 1,25 sur 1,25. Oui, sur 25 ans. Là, c'est vraiment pour des très très beaux profils. Quelques banques ont cette offre de crédit. Ouais. Mais je vais dire, en moyenne, pour rester raisonnable, on va être sur 20 ans à des taux entre 1,40 et 1,50. À 25 ans, on va être aux alentours des 2%. Et on finance, bien sûr, sur 30 ans, aux alentours de 2,50 en moyenne. Donc ça vaut le coup tout de suite de renégocier ces crédits si, par exemple, on a un crédit qui court encore sur 10 ou 15 ans? C'est ça, on finance l'accès sur la propriété, mais aussi on remet effectivement un peu de pouvoir d'achat dans la poche des ménages, puisqu'on baisse leur taux en négociant avec d'autres banques des conditions hier obtenues à des taux plus élevés. J'imagine que le pourcentage des clients justement qui viennent vous voir pour renégocier des crédits doit être de plus en plus important, non? Oui, mais un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, c'est 40% de l'activité de prêt en crédit immobilier qui avait été destinée à du rachat de crédit. Cette année, on est revenu à 30%, c'est un peu moins, mais ça représente quand même un tiers des opérations de financement aujourd'hui. Alors, c'est quoi un bon dossier? Vous avez dit un très bon dossier. Oui. Ça veut dire qu'on est fonctionnaire, l'un est fonctionnaire, l'autre a un CDI chez Bouygues. Ça, c'est bon pour vous, avec 40 000 euros minimum ou 50 000 euros de revenus par an, c'est ça? Ça a un peu évolué dans l'analyse bancaire, le risque et la qualité de client. En fait, on va résumer très simplement. Un bon client pour un banquier, c'est un client qui, bien sûr, a une situation plutôt stable et des bons revenus, mais il ne faut pas pour autant être millionnaire, qui sait épargner un petit peu, en tout cas qui sera dans le long terme un bon client pour la banque, capable d'acheter des produits, souscrire de l'assurance, d'accord, de autres opérations. C'est-à-dire que le crédit est un produit d'appel aussi pour le banquier, parce que après, on est dans la banque et on va pouvoir peut-être acheter des services où là, la banque va gagner beaucoup d'argent, enfin plus d'argent. C'est absolument ça, puisqu'avec des taux aussi bas, c'est pas que les banquiers font des efforts particuliers, hein, c'est que pour eux-mêmes, la ressource financière aujourd'hui est quasiment gratuite. Hein, on entend bien ce qui se passe à la Banque Centrale Européenne qui prête à 0%. Oui, donc, bientôt, vous nous donnerez de l'argent quoi, pour qu'on vous... Peut-être pas, on arrivera. Enfin, on peut peut-être l'espérer. Mais ça, c'est les États qui arrivent à obtenir ça. Qu'est-ce qui est le plus facile à obtenir? Est-ce que c'est plus facile d'obtenir un crédit pour l'achat d'un appartement ou d'une maison individuelle? Oui, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Non, il n'y a aucune distinction entre l'ancien, le neuf, le VEFA, la construction. Les dossiers sont bien sûr plus compliqués en neuf et surtout en construction, puisqu'on a un financement à étage, on va dire, avec des déblocages qui peuvent être fractionnés. Donc, c'est un montage financier beaucoup plus complexe. Et puis, des aides aussi, surtout, on va parler du prêt à taux zéro. Oui, mais dans tous les cas, allez-y, parlez-en. Alors on enchaîne, prêt à taux zéro, qui participe d'ailleurs aussi à la bonne tenue du marché cette année, hein, de la relance du neuf et de l'ancien également, puisque depuis ce début d'année, le prêt à taux zéro a été largement élargi, tant en termes de bénéficiaires, puisque les ressources nécessaires pour en bénéficier ont augmenté. Dans la tranche de financement, on peut financer jusqu'à 40% de l'opération immobilière, des conditions, si vous voulez, différées de remboursement. Alors là, c'est un peu technique, la partie du prêt à taux zéro participant au financement de l'opération peut être différée jusqu'à 15 ans dans le remboursement. On est d'accord, mais est-ce qu'avec des taux à 1%, est-ce que ça vaut le coup de se casser la tête avec un dossier de prêt à taux zéro, franchement? Bah là, entre 1 et 0, bah, il y a un point, autant le garder dans sa poche. Oui, puisque en fait, ce différé de remboursement va permettre de ne pas tout de suite rembourser ce prêt à taux zéro. Donc, on a un vrai pouvoir d'achat complémentaire. D'accord. Concernant cette opération. Alors, on est bien sûr des clientèles de primo-accédants, et dans notre marché du financement de l'accession à propriété, il est très important pour que le marché se tienne bien, que les primo-accédants aient les moyens de financer leurs projets. Ce sont des nouveaux acheteurs, des nouveaux emprunteurs. C'est très important. Merci Philippe Taboret. Je rappelle, vous êtes directeur général adjoint de CAFPI. Et je vous donne rendez-vous au salon de l'immobilier, faire construire sa maison. Ne vous inquiétez pas. Pascal Tournier, vous y faites une conférence. Tout à l'heure. Et donc, nous avons Pascal Tournier, commissaire général du salon, justement, faire construire sa maison en ligne. Bonjour, monsieur Tournier. Bonjour, monsieur Pessin. Alors, vous avez vu, hein, Philippe Taboret qui vous a fait la transition. Alors, parlez-nous de ce salon. Donc, c'est Porte de Versailles, c'est encore jusqu'à demain soir, c'est ça? C'est jusqu'à demain soir à la Porte de Versailles, au pavillon 6. L'entrée est gratuite, il suffit de télécharger son invitation et on vous accueille jusqu'à dimanche soir, 18h. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve dans faire construire sa maison? Est-ce que c'est simplement une réunion de constructeurs de maisons individuelles et de promoteurs immobiliers? Alors effectivement, il faut éviter de parler de pavillonneurs, c'est fini. Oui, comme son nom l'indique, on parle de faire construire sa maison. Donc c'est vraiment un salon qui est dédié à la maison neuve. Les futurs acquéreurs qui viendront sur ce salon, ce sont ceux qui ont décidé de faire construire. Donc d'accord. On va y trouver tous les pros, les constructeurs, des architectes, des aménageurs fonciers, des fournisseurs de terrain. Ouais. Et puis on va y trouver aussi des industriels qui sont là tous pour répondre aux attentes des clients. On peut y trouver des terrains aussi? On va trouver des terrains, bien sûr, oui. D'accord. Il y a des aménageurs fonciers qui sont présents avec des terrains sur toute la France. Aménageurs fonciers. Ah, dites-moi, ça c'est un joli nom aussi. Ah, oui. On disait aussi lotisseur. Hein. On disait, c'était pas beau, lotisseur, c'est ça. C'est comme non-voyant et aveugle, ça. Mais ça, voilà. c'est l'époque qui veut ça. C'est un salon d'information, mais aussi on y fait du business. On peut acheter carrément une maison là? On parle pas de business puisqu'on va concrétiser un rêve. Donc les gens viennent effectivement trouver le terrain. Peut-être certains l'ont déjà puisque on avait fait produire un sondage. Et évidemment, il n'y a pas de maison sans terrain. C'est la matière première. On rêve de son bout de jardin. C'est ce qui donne. Sauf dans les arbres, quoi. Mais ça, c'est pas. Sauf dans les arbres, mais on a envie de son petit bout de terrain, son petit bout de jardin quand on fait construire. Et la maison d'aujourd'hui, on vous taquinait tout à l'heure en parlant de constructeurs et de non pavillonneurs. C'est que c'est plus du tout ce qu'on disait, une maison des années 90, c'est une vieille maison. Aujourd'hui, elle est spacieuse, elle est lumineuse, elle est bourrée de technologie. Bon, réglementation et goût obligent. C'est véritablement... D'abord, c'est vrai que vous l'aviez dit en début d'émission, c'est l'habitat préféré des Français. Et c'est pas usurpé.

même lumineux. Et puis partout ailleurs, beaucoup de soleil avec quelques orages seulement sur les massifs du sud. Les températures cet après-midi, il fait chaud, 19 degrés à Brest, 21 degrés à Cherbourg, 24 à Rennes et Biarritz, 26 degrés à Lille, 27 à Paris et à Bourges, 29 degrés à Bordeaux, à Toulouse, à Perpignan, 30 degrés à Lyon et à Strasbourg, 31 pour Bastia et 32 degrés à Marseille. Merci Yasmina. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la première ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Stade français Paris-Castres, suivi de Montpellier-Pau. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lyon-Bordeaux et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans quelques instants, Christophe Saint-Cieux me rejoint pour vous présenter les grandes gueules du sport jusqu'à 13h. Le journal présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. La France a évité de nouveaux attentats terroristes. Un commando de femmes téléguidé par l'État islamique depuis la Syrie a été arrêté hier. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à elle après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. D'après le procureur de Paris, François Molins, elle s'apprêtait à passer à l'action. Ce matin, 7 personnes, 5 femmes et 2 hommes sont en garde à vue. Des cellules terroristes qui se créent via des réseaux sociaux et des messageries cryptées. Un véritable casse-tête pour les enquêteurs. Dominique Rizet, spécialiste police-justice pour RMC et BFM TV. C'est ce qu'on craignait, vous savez, ce sont des agents dormants finalement. Des gens qui sont installés chez eux, qui vont se radicaliser sur le net, qui vont se rencontrer sur le net et qui vont constituer des équipes. Et c'est très difficile à déceler. Les policiers essaient de trouver des systèmes. Techniquement, ça ne va pas assez vite. Les crypteurs vont beaucoup plus vite que ceux qui apprennent à décrypter les systèmes. Et quand on sait les décrypter, il y en a déjà un nouveau qui arrive avec une technologie différente et des logiciels différents. Politique maintenant, la fin de la course au parrainage pour les candidats de la primaire de la droite et du centre qui aura lieu en novembre. Au total, ils sont 8 à avoir obtenu les 500 signatures. 7 hommes et une femme. Pour les poids lourds du parti, ça passe facilement, comme pour Nicolas Sarkozy qui a réuni près de 20 000 parrainages. En revanche, c'est passé de justesse pour Hervé Mariton.